Je suis. Recueil de textes issus de l'enseignement de Sri Nisargadatta Maharaj. Note du traducteur anglais. J'ai rencontré Sri Nisargadatta Maharaj il y a quelques années et j'ai été impressionné par la simplicité spontanée de son apparence et de son comportement et par la profonde et authentique rigueur avec laquelle il exposait son expérience. Quoique sa petite maison dans les ruelles de Bombay soit humble et difficile à trouver, beaucoup de gens en ont découvert le chemin. La plupart d'entre eux sont des Indiens qui s'expriment couramment en marathe, leur langue maternelle, mais il y avait également beaucoup d'étrangers qui avaient besoin d'un traducteur. Toutes les fois que j'étais présent, cette tâche m'incombait. Beaucoup des questions qui étaient posées et des réponses données se révélaient être si intéressantes et si importantes que l'on enregistra ces dernières sur un magnétophone. La plupart des enregistrements furent en marathe anglais, Maharaj n'utilisant que sa langue maternelle. Par la suite, chaque bande fut déchiffrée et traduite en anglais. Plus de 100 bandes ont été enregistrées et préparées pour la présente publication. Ce ne fut pas ouvrage facile de traduire textuellement et en même temps d'éviter des répétitions fastidieuses. Nous espérons que la présente traduction de ces enregistrements ne réduira en aucune façon l'impact qu'exerce cet être humain à l'esprit clair, généreux et de bien des façons insolites. Il est toujours positif de rencontrer des gens différents de soi. Cela donne une idée de ce que nous sommes réellement, si seulement nous n'avions pas peur. Une traduction en marathe de ces entretiens a été publiée à Bombay en 4 volumes. Sri Nisargadatta Maharaj a examiné en détail cette dernière. Cette version anglaise, quoique écrite auparavant, devrait être considérée comme une traduction du texte original en marathe, dont on peut lire une version vérifiée par l'auteur. Maurice Friedman. Introduction. Si l'on avait demandé à Sri Nisargadatta Maharaj de nous raconter sa vie, ce dernier aurait certainement répondu qu'il n'y avait rien de tel qu'une naissance, une croissance, et que rien n'est jamais arrivé. C'est donc auprès de parents ou disciples qu'on peut savoir que Sri Nisargadatta Maharaj est né à Bombay en mars 1897 et que son prénom est Maruti. Son père et sa mère menèrent la vie de simples fermiers au sud de Bombay. C'est dans une ambiance laborieuse et religieuse que s'écoula l'enfance de Maharaj. En 1918, quelques années après la mort de son père, Maharaj fut engagé comme employé de bureau, mais son esprit indépendant et énergique lui fit préférer la vie de commerçant. L'ouverture d'une échoppe de petites cigarettes indiennes, des bidis, fut rapidement suivie de plusieurs autres. En 1924, il se maria à Sunati Bai, qui lui donna un fils et 3 filles. Sa soif de recherche intérieure, qui s'était manifestée alors qu'il était enfant, demandait des réponses. C'est alors qu'un de ses amis lui fit faire la connaissance, en 1933, de celui qui allait devenir son maître, Sri Siddharameshwar Maharaj, de la tradition des Navnath Sampradaya. Ce dernier lui conseilla de ne s'occuper que d'une seule chose. « Tu n'es pas ce que tu crois être. Trouve ce que tu es. Observe le sens de « je suis ». Découvre ton véritable soi. » J'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Tout temps gagné, je le consacrais à m'observer en silence. Cela opérant en moi un changement rapide et profond, il ne me fallut pas plus de 3 années pour réaliser mon être véritable. En 1937, un an après la mort de son maître, Maharaj abandonna sa famille, ses affaires, et mena une vie de moine errant à travers l'Inde. En chemin vers les Himalayas, où il avait projeté de passer le reste de ses jours, il fit la rencontre d'un des disciples de son maître, qui le persuada des défauts d'une vie totalement détachée du monde et de l'immense fécondité spirituelle qu'il y a à s'abstenir de passion dans l'action. À son retour à Bombay, Maharaj trouva toutes ses échoppes à l'abandon, sauf une. Satisfait de peu, il se remit à la tâche dans le seul intérêt de sa famille, consacrant toute son énergie au travail spirituel. Il se construisit au-dessus de ses 2 petites pièces un endroit pour la méditation. Peu à peu, les gens furent attirés par sa sagesse et son don de parole. Plus tard, quand son fils prit sa succession, les réunions passèrent de la rue à sa loggia. Au fil des années, Maharaj perdit sa femme et 2 de ses filles. C'est là, dans ce quartier surpeuplé de Bombay, que Maurice Friedman, le traducteur du présent livre, découvrit celui qui allait devenir son maître. Patiemment, lui qui avait rencontré Ramana Maharshi et qui avait suivi inlassablement pendant plus de 30 ans J. Krishnamurti, se mit tout d'abord à écouter, puis à enregistrer et enfin à retranscrire avec la plus grande rigueur l'extraordinaire livre d'entretien que vous allez pouvoir lire. La parution de l'ouvrage eut comme conséquence de faire affluer auprès de Maharaj tous ceux, nous, vous, moi, qui sommes aux prises avec des problèmes personnels

Le flot des états mentaux est perpétuel, sans signification et douloureux. La souffrance en est le facteur constant. Ce que nous appelons plaisir n'est qu'une brèche, un intervalle entre deux états pénibles. Le désir et la peur sont la chaîne et la trame de la vie, et tous deux sont faits de souffrance. Notre question est celle-ci. Peut-il y avoir un mental heureux ? Maharaj. Le désir est le souvenir du plaisir et la peur est le souvenir de la douleur. Tous les deux rendent le mental agité. Les instants de plaisir ne sont que des îlots dans le flot de la souffrance. Comment le mental pourrait-il être heureux ? Question. Il est vrai que nous désirons le plaisir et que nous nous attendons à la souffrance. Mais il y a des moments de joie inattendus, imprévus. Une joie pure que ne contamine pas le désir, que nous n'avons pas cherché et pas mérité. Un don de Dieu. Maharaj. Il n'en reste pas moins que la joie n'est joie que sur un fond de souffrance. Question. La souffrance est-elle un fait cosmique ou purement mental ? Maharaj. L'univers est complet, et là où il y a plénitude, où rien ne manque, qu'est-ce qui pourrait être cause de souffrance ? Question. L'univers peut être complet en tant que totalité, mais incomplet dans ses parties. Maharaj. Une partie de tout considéré relativement au tout est, elle aussi, complète. Elle ne devient incomplète et donc source de souffrance que vue isolée. Qu'est-ce qui nous dirige vers l'isolement ? Question. Les limitations du mental, bien sûr. Le mental ne peut pas voir le tout dans la partie. Maharaj. Pas mal. De par sa nature, le mental divise et oppose. Ne pourrait-il pas y avoir un autre mental qui unisse et harmonise, voyant le tout dans la partie et la partie en totale relation au tout ? Question. L'autre mental ? Où le chercher ? Maharaj. En allant au-delà du mental qui limite, divise et oppose, en éteignant le processus mental tel que nous le connaissons. Lorsque ce processus cesse, l'autre mental est né. Question. Dans ce mental, les problèmes de joie ou de misère n'existent plus ? Maharaj. Pas tels que nous les connaissons, c'est-à-dire désirables ou répugnants. Cela devient plutôt une question d'amour qui cherche à s'exprimer et qui rencontre des obstacles. L'amour qui inclut, c'est l'amour en action qui se bat contre les circonstances, d'abord vaincu, puis victorieux en dernier ressort. Question. Est-ce l'amour qui est le pont entre le mental et le cœur ? Maharaj. Quoi d'autre ? Le mental crée l'abîme, le cœur le traverse. 4. Question. Nous nous sommes posés à plusieurs reprises la question de savoir si l'univers était soumis à la loi de la causalité ou s'il existait et fonctionnait en dehors de cette loi. Vous semblez partager l'opinion qu'il est sans cause, que toute chose, même la moindre, est sans cause, apparaissant et disparaissant sans aucune raison. Maharaj. Causalité signifie succession dans le temps d'événements situés dans l'espace. L'espace étant soit mental, soit physique. Le temps, l'espace, les causes sont des catégories mentales qui naissent et s'évanouissent avec le mental. Question. Tant que le mental fonctionne, la causalité est une loi valable. Maharaj. Comme tout ce qui est mental, cette prétendue loi de causalité se contredit elle-même. Rien de ce qui existe n'a de cause spécifique. L'univers entier contribue à l'existence de la plus petite des choses. Rien ne pourrait être ce qu'il est sans que l'univers soit ce qu'il est. Quand la source et le fondement de toute chose sont la seule cause de tout, parler de causalité comme d'une loi universelle est une erreur. L'univers n'est pas limité par son contenu, parce que ses potentialités sont infinies. Par ailleurs, il est la manifestation ou l'expression d'un principe totalement et fondamentalement libre. Question. Oui, on peut comprendre qu'en fin de compte, parler d'une chose comme étant la seule cause d'une autre chose est entièrement faux. Cependant, dans la vie réelle, nous prenons sans cesse des initiatives en vue de résultats. Maharaj. Oui, il y a beaucoup d'activités de ce genre qui continuent à cause de l'ignorance. Si on savait que rien ne peut se produire sans que l'univers entier ne le produise, on en ferait bien davantage en dépensant bien moins d'énergie. Question. Si chaque chose est une expression de la totalité des causes, comment peut-on parler d'une action réfléchie en vue d'un résultat ? Maharaj. Le désir même d'accomplir est également une expression de tout l'univers. Cela montre simplement que le potentiel énergétique s'est élevé à un point particulier. C'est l'illusion du temps qui vous fait parler de causalité. Quand on voit le passé et le futur dans un maintenant intemporel faisant partie d'un projet commun, l'idée de cause-effet perd toute valeur et la liberté créatrice prend sa place. Question. Cependant, je ne vois pas comment une chose peut venir à l'existence sans une cause. Maharaj. Quand je dis qu'une chose est sans cause, je veux dire qu'elle peut être sans une cause précise. Votre mère n'était pas nécessaire pour vous donner naissance. Vous auriez pu naître d'une autre femme. Mais vous n'auriez pas pu naître sans la terre et le soleil. Même ceci n'aurait pu causer votre naissance sans le facteur le plus important, votre propre désir de naître. C'est le désir qui donne la naissance, qui donne le nom et la forme. On imagine et on veut le désirable et il se manifeste comme quelque chose de tangible ou de concevable. C'est ainsi qu'on crée le monde dans lequel nous vivons, notre monde personnel. Le monde réel est hors du champ du mental. Nous le voyons à travers le filet de nos désirs divisés en plaisir et misère, juste et faux, intérieur et extérieur. Pour voir l'univers tel qu'il est, vous devez passer de l'autre côté du filet. Ce n'est pas difficile, le filet est plein de trous. Question. Que voulez-vous dire par trous et comment les trouver? Maharaj. Regardez le filet et ses nombreuses contradictions. Vous faites et défaites à chaque pas. Vous désirez la paix, l'amour, le bonheur et vous travaillez durement à créer la misère, la haine, la guerre. Vous voulez la longévité et vous vous gavez. Vous recherchez l'amitié et vous exploitez. Considérez votre filet comme tissé de telles contradictions et supprimez-les. Le simple fait de les voir suffira à les faire s'évanouir. Question. Puisqu'en voyant la contradiction, je la supprime, n'y a-t-il pas de lien causal entre mon regard et la suppression? Maharaj. La causalité même comme concept ne s'applique pas au chaos. Question. Dans quelle mesure le désir est-il un facteur causal? Maharaj. C'est un facteur parmi de nombreux autres. Pour chaque chose, il y a d'innombrables facteurs. Mais la source de tout ce qui est, c'est l'infinie possibilité. La réalité suprême qui est en vous et projette sa puissance, sa lumière et son amour sur chaque expérience. Mais cette source n'est pas une cause, et nulle cause n'est une source. C'est pourquoi je dis que tout est sans cause. Vous pouvez essayer d'étudier la façon dont une chose se produit, mais vous ne pouvez pas découvrir pourquoi une chose est ce qu'elle est. Une chose est ainsi parce que l'univers est ce qu'il est. 5. Question. La conscience témoin est-elle permanente ou non? Maharaj. Elle n'est pas permanente. Le connaissant se manifeste et disparaît avec le connu. Ce en quoi le connaissant et le connu se manifestent et disparaissent est au-delà du temps. Les mots éternels ou permanents ne conviennent pas. Question. Dans le sommeil, il n'y a ni connaissant ni connu. Qu'est-ce qui maintient le corps sensible et réceptif? Maharaj. Vous ne pouvez certainement pas affirmer que le connaissant était absent. L'expérience des choses et des pensées n'était pas là, c'est tout. Mais l'absence d'expérience est aussi une expérience. C'est comme d'entrer dans une pièce obscure et de dire « je ne vois rien ». Un aveugle de naissance ne sait pas ce qu'est l'obscurité. De la même façon, le sommeil n'est qu'une suspension de la mémoire. La vie continue. Question. Et qu'est-ce que la mort? Maharaj. C'est un changement dans le processus de vie d'un corps déterminé. L'intégration cesse et la désintégration commence. Question. Mais qu'en est-il du connaissant? Disparaît-il avec le corps? Maharaj. Il disparaît à la mort, de même façon qu'il est apparu à la naissance. Question. Et il ne reste rien? Maharaj. La vie reste. La conscience a besoin d'un véhicule et d'un instrument pour sa manifestation. Quand la vie produit un autre corps, un autre connaissant vient à être. Question. Y a-t-il un lien causal entre les corps connaissants et les corps mentaux successifs? Maharaj. Oui, il y a quelque chose qu'on pourrait appeler le corps mémoire ou corps causal, un enregistrement de tout ce qui a été pensé, désiré et fait. C'est comme l'agglomération d'un nuage d'images. Question. Que signifie une existence séparée? Maharaj. C'est la réflexion dans un corps séparé de l'unique réalité. Dans cette réflexion, le non-limité et le limité sont confondus et pris pour la même chose. La suppression de cette confusion est le but du yoga. Question. La mort ne supprime-t-elle pas cette confusion? Maharaj. Dans la mort, seul le corps meurt. La vie ne meurt pas, ni la conscience, ni la réalité. Même le corps n'est jamais aussi vivant qu'après la mort. Question. Mais renaît-on? Maharaj. Ce qui est né doit mourir. Seul le non-né ne meurt pas. Trouvez ce qui jamais ne dort, ni jamais ne s'éveille, et dont la pâle réflexion est notre sensation du « je ». Question. Comment puis-je mener à bien cette investigation? Maharaj. Comment faites-vous pour trouver une chose? En fixant sur elle votre mental et votre cœur. Il y faut de l'intérêt et un rappel constant.